Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin à la fin de notre étude de l'Épître aux Corinthiens. Et ce matin, nous allons faire les derniers versets du chapitre 13. Notre bon Père du ciel, quel privilège de s'approcher de toi. Quel privilège de marcher avec toi dans la vérité. Et la seule façon, c'est par les Écritures. Et c'est pour ça qu'on passe tant de temps, jour après jour, semaine après semaine, année après année, pour sonder les Écritures, afin de marcher dans la vérité qui est en Jésus-Christ. Conduis-nous encore ce matin pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume. Amen. Chapitre 13. Nous avons vu en premier... Je vais aller chez vous. Et si ça reste de même, je viens avec une verge, avec toute la puissance de Jésus-Christ, pour reprendre sans ménagement ceux qui ont péché précédemment, qui se sont éloignés de la vérité, ou qui ont marché dans l'immoralité et qui ne veulent pas s'en repentir. Et je vous encourage, avant que j'arrive, à vous examiner vous-même, à savoir si vous êtes dans la foi, à voir si Christ habite en vous. Sinon, vous êtes des désapprouvés. Vous êtes de la fausse monnaie. Il y a des gens qui vont partir de ce monde, croyant qu'ils sont chrétiens. Ils ne le seront pas. Parce qu'ils ne veulent pas s'examiner. Ils ne veulent pas prendre le temps de s'examiner. Ils ne veulent pas passer du temps. Il ne veut pas prendre de temps pour le faire. Paul dit pendant que vous allez vous examiner, en tant qu'Église, en tant qu'individu, je vais prier pour vous, afin que vous ne fassiez rien de mal, afin que vous fassiez ce qui est bien. Je vais prier pour votre perfectionnement. Je vais prier pour votre édification. Parce que je n'aimerais pas quand je vais arriver chez vous, de faire de la destruction. En vous disant que vous êtes hors de Christ, vous êtes sans Christ. Je ne vais pas faire ça. Donc, je prie pour vous. Je prie pour vous. Et ce matin, il va terminer, et on va lire ensemble au verset 11 jusqu'au verset 14. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ces quelques derniers versets, Paul veut dire, c'est une salutation. Il dit un au revoir, là, c'est sûr. Mais il le dit, je crois que ça fit avec le restant du contexte, hein, parce qu'il y a encore le mot perfectionné dedans. Donc il leur dit, au verset 11, frères et sœurs, bien entendu, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Donc, il les encourage à faire ça. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous et ayez un même sentiment, vivez dans la paix. Rock leur dit ici, réunissez-vous, parce que le mot vous, hein, vous, à plusieurs reprises. Il dit, en tant que groupe, en tant qu'église, assisez-vous ensemble, dans la joie. Perfectionnez-vous. On a vu ensemble, perfectionnez veut dire chercher la vérité ensemble. Analysez ce qu'on vous a dit. Ne soyez pas trop vite à accepter tout ce qu'on vous dit. Examinez-vous, perfectionnez-vous. Recherchez la vérité. Testez-vous, éprouvez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Donc, je crois qu'il est en train de dire, restez ensemble. Ne vous divisez pas. Restez ensemble. Unissez-vous. Marchez d'un pas commun. Parce que Paul nous a fait voir, en tout cas moi j'ai perçu, dans la deuxième épître aux Corinthiens, comme dans la première, qu'il y avait une division qui était en train de se faire. Et vous savez qu'est-ce que ça fait la division? Ça peut être des divisions morales, moi j'appelle, ou ça peut être des divisions doctrinales, mais il est en train de se diviser. Paul les encourage, restez unis, assisez-vous ensemble, dans la paix, dans la joie, dans la communion fraternelle, et parlez-vous. Encouragez-vous, édifiez-vous, instruisez-vous, édifiez-vous, perfectionnez-vous ensemble, la gang. Parce que tant qu'ils sont ensemble, il n'y a pas de division. Et les faux apôtres, ce qu'ils voulaient faire, c'est de diviser, de séparer. Soit sur un point de vue moral ou doctrinal, l'Église. Ensuite, il leur dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. La même vérité, encore une fois. Hein? Restez ensemble, parlez-vous, jasez, recevez-vous. Ne soyez pas irrités, parce que ça va être une très mauvaise ambiance. Si vous n'êtes pas capable de vous saluer, si vous n'êtes pas capable de vous embrasser d'un saint baiser, vous ne serez jamais capable de vous entraider, de vous consoler, de vous parler. Je me souviens, quand j'étais dans des églises, quand je n'étais pas capable de donner la main et de donner une accolade à un frère ou donner une accolade à une sœur parce qu'il y avait quelque chose, je savais que je ne pouvais pas les aider. Je savais qu'ils ne pouvaient pas m'aider non plus. Il y a tellement de friction, on ne peut pas se parler. Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Recevez-vous les uns les autres et assisez-vous ensemble, réunissez-vous ensemble, parlez-vous ensemble. Vous vous souvenez, dans la première épître de Corinthiens, quand il parle au chapitre 11, il y avait du mépris les uns pour les autres dans l'Église. Il dit, saluez-vous les uns les autres et parlez-vous, jasez, consolez-vous, examinez-vous, édifiez-vous. Réjouissez-vous ensemble. Prenez du temps ensemble. Il dit, nous autres ici, nous vous saluons. Tous les saints vous saluent. On veut faire un avec vous. On est un avec vous dans ce moment difficile de votre Église. On est un avec vous. On prie avec vous. On va aller vous voir bientôt. On vous salue de cette façon-là. Frères et sœurs, on ne peut pas être indifférent à ce que les autres vivent dans la difficulté. Vous ne pouvez pas rester indifférent à des frères et des sœurs qui se chicanent. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Les chrétiens recherchent la paix entre eux autres. Paul les dit, soyez en paix les uns les autres, vivez en paix. Il faut être en paix si on veut s'entraider. Il faut être en paix si on veut s'édifier. Il faut être en paix si on veut se parler, si on veut s'aimer. Sainement, si on veut s'embrasser d'un saint baiser, il faut. Si tu n'es pas capable de le faire, il y a quelque chose qui ne marche pas rond. Quelque chose qui ne marche pas rond. Saluez-vous d'un saint baiser. Nous, les saints de l'extérieur, on vous salue d'un saint baiser. On vous salue et on prie pour vous, on pense à vous et on va aller vous voir. Parce qu'on veut faire un avec vous. Et là, il dit au verset 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est pas pour rien ici qu'il m'a les trois. C'est pas pour rien qu'il m'a les trois. La perfection dans la foi a toujours les trois. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On enseigne le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On vit dans notre relation avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. S'il y en a un qui débarque, on a un problème majeur. Vous vous souvenez qu'il disait à quelque part dans les chapitres 11-12, Il vous enseigne un autre Christ. Un autre évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Un autre esprit. Et Paul dit, je veux que vous restiez attachés au trois, au Fils. Il dit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui a été manifestée par Christ, par son incarnation, par sa mort à la croix, par sa résurrection. L'amour de Dieu manifesté en Christ et l'œuvre de l'Esprit Saint en vous. Par la régénération, par les dons du Saint-Esprit, par les miracles qui ont été faits dans votre sein. Restez attachés à tout ce qui a été fait par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit. Vous devez avoir les toits pour vivre dans la perfection chrétienne, si je peux dire ainsi. Si vous voulez avoir une foi saine et parfaite, vous devez avoir les toits. Frères et sœurs, nous terminons ce matin l'enseignement de l'Épître aux Corinthiens. Cette Église qui avait passé par des moments moraux très, très, très profonds, péché, dans, si vous lisez la première Épître aux Corinthiens, sous toutes ses formes, dans tous les domaines. Je ne crois pas que l'Église de Corinthe est spéciale. J'ai travaillé depuis 37 ans dans les Églises, avec les Églises, et l'Épître aux Corinthiens, les péchés qu'on voit là, je les ai vus dans toutes les Églises que j'ai travaillées. N'était pas spécial. Le spécial, c'est qu'il ne reprenait plus. Paul dit, vous êtes orgueilleux au lieu d'être attristé par le péché. C'est ça le problème. Avec Corinthe. C'est pas qu'elle faisait des péchés. C'est qu'elle ne reprenait plus le péché. Elle était plus attristée par le péché. Et j'ai vu, comme dans l'Épître aux Corinthiens, dans toutes les églises, des problèmes doctrinaux. Et ça arrivait dans toutes les façons, par toutes les portes, je pourrais dire, par la voix des airs électroniques, par les livres, par les télévisions, par les visites entre chrétiens, la fausse doctrine finait. Des fois, je disais aux chrétiens, où est-ce que tu as pris ça, ce que tu me dis là? Où est-ce que tu as pris ça, cet enseignement-là? C'est pas moi qui enseigne ça, c'est sûr. Ah, ben j'ai lu un livre, j'ai écouté une émission de télévision, et on s'assisait, on regardait les Écritures, on réalignait. J'ai dit, l'autorité, c'est pas lui, l'autorité, c'est pas moi, l'autorité, c'est les Écritures. On revenait aux Écritures. Et l'apôtre Paul sait qu'il y en a, on l'a vu dans le chapitre 7, il y en a qui se sont repentis, et Paul s'en est réjoui. Mais il y en aura toujours qui se repentent. Tireront pas. Il y en a toujours qui vont rester dans l'erreur et qui vont se joindre à de faux docteurs. Ils vont manifester ainsi qu'ils ne sont pas dans la foi et qu'ils sont désapprouvés. Il ne faut pas avoir peur de cela. Ça fait partie de la vie de l'Église. L'Église s'examine, chaque chrétien s'examine, et quand on s'examine, ben, on va voir que il y a des erreurs, il y a des manques, il y a des faux. Il faut enlever, il faut continuer, il faut réaligner jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher individuellement ou en Église. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant presque 3 mois. On a commencé en septembre, on est rendu vers la fin novembre. Et nous terminons. Nous allons revenir ensemble pour étudier l'Épître aux Philippiens après Noël. Donc, surveillez le blog après Noël et vous allez voir, je vais vous marquer dessus la date que je vais recommencer. Pourquoi Philippiens? C'est mon dernier livre. J'avais pris comme défi quand j'ai commencé à enseigner, quand j'étais un jeune enseignant, et d'enseigner tout le Nouveau Testament, si Dieu me donnait la grâce. Et Philippiens, c'est mon dernier. Donc, 30 ans plus tard, j'achève, par la grâce de Dieu, d'enseigner tout le Nouveau Testament. Donc, je vous encourage à lire Philippiens, à le relire, et peut-être le relire, et le relire encore, afin que vous puissiez m'examiner quand je vais vous enseigner. Je vous encourage à lire, peut-être ou écouter quelqu'un d'autre qui va enseigner sur Philippiens, et ça va vous permettre de mieux m'examiner encore. Préparez-vous à cela. Mais en attendant, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais donner un mot de témoignage. Et j'ai décidé que, à partir du 2 décembre, je vais faire soit juste une vidéo, ou deux ou trois vidéos. Je ne sais pas encore comment je vais faire cela. Mais je vais donner peut-être une mini-série sur mon témoignage. Peut-être que je vais le faire en trois parties. Une vidéo sur qui j'étais avant d'être sauvé, comment j'ai été sauvé, et ma vie chrétienne après être sauvé. Donc, ça se peut que je fasse cela en trois parties. Peut-être deux, peut-être un. Je ne sais pas encore comment le Seigneur va diriger cela. Mais à partir du 2 décembre, ça veut dire que le 2, allez voir le 2 sur mon blog. Vous allez voir un message là dans Études bibliques par François Nollet. Vous allez voir un message et je vais dire quoi faire là. Ça va être là. Ça va vous donner une façon de trouver où est-ce que j'ai mis mes petites vidéos sur mon témoignage. Entre-temps, vous pourrez certainement prier pour moi afin que Dieu dirige là, ces enseignements-là sur mon témoignage de la grâce de Dieu, de ce que Dieu a fait en moi pendant les 37 ans qui viennent de passer. Donc, je vous souhaite un bon temps des fêtes si on ne se revoit pas avant. Que la grâce de Dieu nous donne toujours la force de continuer à marcher avec lui pour sa gloire, pour son œuvre, pour son royaume. Je vous aime, mes frères et sœurs, en Christ. Amen. Notre bon Père du ciel, sers-toi de toutes ces vidéos, parce qu'on en a fait une cinquantaine. Sers-toi de cela, Seigneur, pour te glorifier, pour édifier, pour fortifier, pour t'exalter, afin que tu reçoives la louange, pour stabiliser ton Église. Oh Seigneur, on est content, super content, plein de joie de savoir que c'est toi qui bâtis ton Église et pas nous. Donc, quand ton Église va être à la fin des temps, elle va être parfaite. Parfaite. Le perfectionnement dont Paul parle, ton Église va arriver dans ta présence, dans la présence de ton Père. Parfaite. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.